Mike, Audi, S, banlieue, Sud, Basta, Expose, Caro, Audi, Alka, Pod, 9-1, 9-1, 9-1, 1. Bande de putain, je vais mailler comme Al Capone, c'est Al Capote, remplissez mon verre à rabord. Voilà. Wesh wesh, je viens, je représente bien le ghetto. Avec ou sans neige, je vais fouetter mes chiens de traîneau. Tu connais le geste, je vais ceux qu'ils ont osé me test. Fils, remballe tes projets de merde, je suis avec Taro et OJS. Faut que je déstresse. Demande aux beurettes et aux négresses, on a de gros problèmes monétaires. Quand c'est le bordel, je pourrais danser comme Crunchy Black. Je vends de la merde mortelle comme un leurre dit crack. Te sauve pas, il va y avoir du sautage, c'est sauvage. Nous on déboîte les prods de sauna. Tu m'attends soir à défiler des Yankees. Y'a 5 gogo, c'est trop mortel. Un grand cœur pour mes gosses, soit cartel. DGC, je me fonds sous le bordel. Big Love et son ghetto magique. Les rôles sont compliqués, pas ça sera clique. Avec un braco, grave ton moi, pa, pa. On fait la mort, c'est pa, pa. Un fond de le 10, tueur dans le tas. Mais c'est A, trop gangsta. Je ne grille à moi et je beaucoup, beaucoup des démons. Et si c'est la souris, y'a pas, pas, pas, pas place au bouffon. Si tu veux nous test, on te blesse. Basta d'expose, ODS. En tu pour qu'avant tu favo. Bon, suis neuf assez chaud. Descrasse à mes négros, cacho. Masta beau jack et cacho. Les jeunes veulent tous mailler comme Al Capone. On le sait. Calibré jusqu'au dents, on craint personne. On le sait. Cherche tous Smith et Wesson pour tous les hommes. On le sait. 4-4 ans, partout gangsta. C'est du vrai pleura, ça sort des tripes et de la veuca. Plus ça shoot au shit, chute, ça vend de la meuca. M'emballer les couilles que tu kiffes pas. Je traîne pas avec toi dans le rose squad. Dans les combats, on te voit pas caca. Malo, papa, bah. Tu peux perdre la vie en une fois la vie. Cette fois je rédis le rap et flic. Vois-tu mon concert devient une tragédie. Dans le game, mon empreinte est déjà inscrit. Ouais. Le vient d'ici. Ouais. Pour ceux qui copient, ouais. On vous a écrit. Ouais. Sache que c'est gris. Ouais. Les best of the best qui blessent, tout blessent. Les bouts qui pèsent, les putes de tête. La France en stress, rap en détresse. Là-bas je redresse, plus mon buzz progresse. Tu ne ODS, tu testes de bête. J'emmerde mon temps, je fume le shit. À longueur du temps, moi j'insulte les flics. Alcool shit, course poursuite. J'ride sans permis sous cuit. Fuck les favos dans les streets de ma ville, mec, c'est ça les G's. Où la place du bonheur est pas d'un film. C'est comme vivre dans un check-up merde. Toute sa vie, mec, sans sentiment. Tu vois pour qui je représente, tu vois pour qui je représente. Ne montier car au placard, tu vois pour qui je représente. Grillissante, mes négros chantent mes decks à tu deck. Caro 10, BCP, Dexpo. Gangsta rap des virtuos. Qui ose, laisse les king of the resaf. Personne vu que les négros savent. En pratique, ça graille donc. Les négros bavent, rap vient du SC, SC, Sud-Sud. Tu testes, tu te plantes, la patate est trop puissante. Mort. Les jeunes veulent tous mailler comme Al Capone. On le sait. Calibré jusqu'aux dents, on craint personne. On le sait. Cherche ton Smith et Wesson pour tous les hommes. On le sait. 4-4 ans, partout gangsta. On le sait. Les jeunes veulent tous mailler comme Al Capone. On le sait. Calibré jusqu'aux dents, on craint personne. On le sait. Cherche ton Smith et Wesson pour tous les hommes. On le sait.